إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، في الدرس الماضي أخذنا مقدمات الشيخ العثيمين شيئا منها اختصارا طبعا، car dans ce chapitre d'ici, là, il n'y a pas de mukaddima, il commence directement dans le livre. Et cher Othémi, ça concernait le titre, Kitab al-Tawhid. Donc, les choses prises dans la mukaddima ma'aloufa, donc, ma la hajata narja ilayha. C'est déjà connu. Kalam bab al-zikr. Tayyib. Dans certaines nasra du livre, il commence par la basmala. Là, il n'y a pas la basmala, c'est celui qu'on a là. Dans certaines nasra, il y a la basmala. Qala. Kitab Tawhid. Qu'on a kitab ma'na maktoub. Wa Tawhid qu'on a annahu ja'al anta ja'al al-shay wahida. Wa on a dit shara'an c'est ifradullahi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yani ifradullahi fuma yaqtasu bihi. قال دونك لي كومونسي بروميير شابيتر باب حق الله على العباد وحق العباد على الله كي لو droit d'Allah sur ses serviteurs le droit de serviteur sur Allah. Le tartib de ce livre il est réfléchi, très minutieux. Quand il met un bab, il met un autre qui va après qui correspond comme étant la suite de ce bab précédent pour arriver à la fin du livre. Et son livre, c'est que des ayats et ahadith et athar. L'ancien, c'était surtout beaucoup comme ça qu'ils faisaient. Comme par exemple, tu vois, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, leur fiqh, leur compréhension, est dans leur tabouib. Dans le choix, dans le tartib qu'ils mettent les hadiths, non, ils ne parlent pas. Ils te font comprendre ce qu'ils veulent par le hadith, là où ils le mettent. Après, quand tu n'as pas compris, c'est un mudarris qui a appris, qui connaît, qui va te dire le shahid du hadith. Des fois, tu vois un hadith dans le Bukhari, tu dis, je ne vois pas ce que le hadith fait là. C'est bref qui te montre. Pour te dire que vraiment, la compréhension, elle est large. Oui, il y a jiddan. D'accord. Qawluhu ta'ala, wa ma khalaqna al-jinna wal-insa illa liya'budun. Donc là, on va lire le maintenant. Dans le sens où il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa qawluhu ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tagout. فَقُولُوا تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et de la bienfaisance, de faire preuve de bienfaisance envers les parents. قُولُوا تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien. وقولوا تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. Dis, venez donc, je vais lire ce que votre Seigneur vous a interdit de ne rien lui associer. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه وخاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا الصراط مستقيما. ابن مسعود رضي الله عنه كي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل il a dit celui qui veut regarder dans le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il y a son yani khatam c'est comme une forme de tawqi' signature ou tampon ou marque qu'il lise la parole d'Allah où il dit dans le sens dit venez je vais lire ce que votre Seigneur vous a interdit jusqu'à la fin du verset, ou plutôt de qui est وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Cela, c'est mon chemin droit. قال وعن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. أي هذا الحديث متفق عليه. فلما معاذ بن الجبل il dit j'étais à l'arrière du message d'Allah par Allah sallam sur un âne. Et il a dit au Muaz, connais-tu le droit de Allah sur ce serviteur et le droit de ce serviteur sur Allah? J'ai dit Allah et son messager sont plus savants. Il dit le droit d'Allah sur ce serviteur, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie personne, qu'il ne châtie pas celui qui ne lui a rien associé. Je dis, ô message d'Allah, puis-je en faire la bonne nouvelle aux gens? Il a dit non, car ils vont se reposer dessus. Dans le sens. Et le hadith, mutafaqun alayhi. Donc là, awalan hadha al-kitab, bal hadha al-bab, le mu'allif il a commencé par ce bab pour démontrer le haq d'Allah sur ses ibad qui est al-tawhid. Par sa parole, il dit Tawhid qui est Ifradullah ta'ala bil ibada. Par sa parole, voilà, il dit Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dedans, il nous démontre la raison pour laquelle il a créé les hommes et les djinns qui sont les mukallafoun. C'est sur qui sont les charges de la religion. Les hommes et les djinns. Et là, liya'budu, c'est venu dans le sens liya'wahidu. C'est interprété le Wahid. وقال الشيخ قال هذه الحكمة الشرعية من خلقهم فلم يخلقهم ليكثر بهم من قلة كما أن خلقهم ليبتليهم أيضا. C'est la sagesse légiférée pour laquelle il les a créés. Il ne les a pas créés pour faire une multitude comme ça. Mais il les a créés pourquoi? Pour les éprouver également. C'est-à-dire pour qu'ils l'adorent, qu'ils l'unifient. Et également pour les éprouver. Comme on dit Ta'ala, Allazi khalaqa al-maut wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, afin de savoir qui sera celui d'entre vous qui le verra le mieux. Et cette œuvre attendue de nous, la meilleure, c'est le tawhid awalan. Bila shak. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et nous a éprouvé avec les ordres. Nous a ordonné des choses, nous a interdit des choses, tout cela, afin qu'il voit qui va agir, même qui va appliquer ses ordres, ses décrets, et tout cela, d'akhirun fit tawhid. Wa qal, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa shanibu ta'ud. Que nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous de ta'ud. Donc là, c'est la sagesse pour laquelle. L'une des sagesses pour laquelle Allah a envoyé les messagers. Yani, Cheikh Othaymin, il dit que Hikmat min Irsal al-Rusul, la sagesse de l'envoi des Rusul, se trouve dans trois points principaux. La première, li iqamat al-Hujja al-Nas. Et là, ça rentre dedans ce verset. Pour donner l'argument, les preuves aux gens. Comme encore le Ta'ala, Rusulan, مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Un des messagers annonciateurs ou avertisseurs pour qu'il n'y ait pas que les gens n'aient pas d'arguments sur Allah après l'envoi des messagers. Donc جاءوا لإقامة الحجة. وكذلك للرحمة. Par miséricorde pour la création. كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Yani que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Comment on a pris dans tout ça là, ça que Allah SWT ne nous a pas créé événement. Il nous a laissé comme ça sans savoir. Mais il envoie des messagers. Et celui qui obéit aux messagers entrera au Jannah. Et celui qui désobéit aux messagers entrera au feu. Wa kadhalika bayyana at-tariq al-muwassal ila Allah. Pour démontrer la voie par laquelle on parvient à Allah SWT. C'est-à-dire comment agir. Quelles sont les choses que Allah agrée de nous et qu'il refuse? Car beaucoup de gens aujourd'hui se prétendent croyants chez les koufars pour te dire moi je crois en mon créateur, je sais que je dois l'adorer, mais j'adore comme moi je veux. Donc on dit ben, par cette façon de faire, tu vois que l'envoi des messagers n'a servi à rien du tout. C'est une chose qui était vaine. Car les messagers ont été envoyés pour te montrer comment justement faire cela. Eux sont un petit peu des, comme on dit, des anarchistes. Genre, je fais comme je veux, je fais ce que je veux. Je reconnais qu'il faut que je le fasse, mais moi, je le fais comme je veux. Personne n'a me dicter comment agir. Et ça, c'est faux. Et cela ne fait pas de toi un croyant. Car, bon, Chorot a dit plutôt Arkan et l'Imen de l'Ossol. Quand tu crois en Allah, en ce livre, en ses messagers, en ses anges, au Réal-Zalika, au jour dernier et au destin. Donc il a dit, adorez Allah seul et non le Taharut. Awalen, Fa'ida kazalik min shi'a al-faymin. Al-ubudiyya, ce qu'on appelle la servitude. Elle est de trois catégories. Ta, al-ubudiyya, al-amma, celle qui est générale. Pour toute la création, nous sommes tous des serviteurs d'Allah, même le kuffar. Nous sommes tous sous le décret d'Allah, al-kawni, qui est lié à la création. Ce que eux, les koufas, les appellent les non-naturels. Ce qu'ils appellent le non-naturel, le fait de vivre, le fait de mourir, le fait de devoir se reposer, le fait de devoir manger, le fait de devoir aller accomplir les besoins, le fait de devoir avoir des rapports pour se reproduire, toutes ces choses-là qui sont liées à la création sur lesquelles tout le monde, du moins toute personne qui est normalement constituée, parce que des fois tu peux avoir un défaut, une personne peut avoir une chose qui est, par exemple, peut être stérile, peut pas avoir d'enfant, ou un autre, il a certaines choses, mais à la base, dans l'être humain, on va dire normalement constitué, même les animaux, ils ont tous un système génétique, comme on dit, auquel ils sont assujettis, qui ne peuvent changer à la base. Donc là, nous sommes tous les serviteurs d'Allah sur ce point-là. Donc là, c'est l'ubudiya al-amma. Thumma fi al-ubudiya al-khassa. C'est qui est spécifique. Waya al-ta'a. C'est le fait d'obéir à Allah. Et ça, c'est le shan de qui? Des musulmans. C'est le chien des musulmans. Quand même, c'est leur body à la khassa, c'est-à-dire celle-là, les koufars n'en font pas partie. Les musulmans en font partie. Les mu'minoun, ils adorent Allah, ils lui obéissent et ils le craignent. Et troisième, c'est le khassa al-khassa. Celle-là, c'est celle des anbiya. Un niveau de ubudiyya que personne ne peut atteindre si ce n'est eux. Non. Ce qu'il a dû vouloir viser, c'est le mukallafoun. Tamam. Wa qala ish washtanibu at-taghut. At-taghut ma'khudh min at-tughyan. At-tughyan qui est le fait de dépasser les limites. Et le taghut huwa ma 'ubida min dunillahi wa huwa radi. Amma ma 'ubida min dunillahi wa huwa la yarda bidhalika kar-rusul wal-anbiya wa laysa bi-taghut. لأنهم لم يؤمروا بذلك ولم يأمروا بذلك. Donc le tarot, c'est tout ce qui est adorant dans Allah subhanahu wa ta'ala et qui agrée cela. Par contre, ce qui était adorant dans Allah qui n'a pas agréé, comme certains messagers, ce fut le cas de Isa alayhi salam, et d'autres sûrement, ou même des salihim, eux ne sont pas des tarot car ils n'ont pas demandé cela. Ils n'ont pas appelé à cela, ils n'ont jamais ordonné cela. ثم قال وقد ربك لا تعبدوا الا اياه donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété awsa ilayna de n'adorer que lui car celui qui mérite adoration donc il n'y a pas de divinité vous ne t'adorez ce n'est que lui donc si ce n'est lui et ces versets là ils renferment quoi roknay at-tawhid Wahuma al-isbat al-isbat wa al-nafi, qui est l'affirmation ou la négation, le fait d'affirmer l'adoration pour Allah et la renier de tout ce qui est en dehors de lui. La ilaha illallah. Mathalan, qala ta'ala, ubudullah, washtanibu at-taghut. Allah a affirmé de l'adorer. Et de l'autre côté, il a interdit d'adorer le taghut de son ironie. Comme dans le verset qu'on vient de prendre maintenant, là, vous voyez, de n'adorer, c'est-à-dire personne, si ce n'est lui. Donc tu renies l'adoration pour autrui et tu l'appliques à Allah. Et ça, c'est là-dessus qui est bâti la ilaha illallah. Vous voyez, la ma'bouda bihaq illallah, al-nafi wa l'isbat. La ilaha illallah, ça c'est l'isbeth, pas de divinité digne d'être adorée. Illallah, afwan, c'est le nafi, afwan, c'est le nafi. Et l'autre c'est l'isbeth, sauf Allah. Donc ces versets-là, ils amènent à cela. Ou dans sa parole, ou a'budullah, ou la tushriku bi shay'a. Et adorer Allah, il ne le sent rien. Ou a'budullah, isbeth. Ou la tushriku bi shay'a, nafi. Donc ces versets-là sont venus pour cela. Affirmer l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, et la renier pour tout ce qui est en dehors de lui. ثم قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية اللي أي قل يا أيها الرسل تعالوا أيها الناس أخبركم وأقص عليكم ما حرمه الله عليكم وأتلوا على علم ويقين لا عن شك وظن وأول هذه المحرمات الشرك اللي C'est-à-dire, ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire, ô toi le messager, dis aux gens, venez, je vous informe et je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit. Et cela avec certitude et non pas avec doute et conjecture. Et la première de ces choses interdites, de ces muharramat, c'est quoi ? Shirk. Comme encore le Ta'ala, elle a touché l'écho, bihi shay'a. Et tu te rappelles, on avait pris dans sous le fiqh, ou plutôt dans les corvées des fiqhiyat, elle nakira. Fissière, nahi, yufido, elle remonte. Donc là, c'est shay'a. Juste avant, on a quoi ? Interdiction. Donc c'est ne rien lui associer. Ne rien lui associer. Donc le verset là, il cite Kul ta'alo atlou ma harama rabbukum alaykum. Ala tushriku bi shay'a. Wa bil walide ihsana. Wa la taktulu awladakum min imlaq. Nahnu nazukukum wa iyyahum. Voilà, taqrabu al-fawahisha, ma zahra minha, ma batan. Voilà, taqtulu nafs allati harama Allah. Zalika wassakum bihi, la'alakum ta'akilun. Voilà, taqrabu mal yatim illa billati ya ahsan. Hatta yablura ashudda. Ouful kayl, wal mizan bil qist. La nukalifu nafsan illa wassa'a. Wa idha kultum fa'adilu. Wa idha kultum fa'adilu. ولو كان ذا القربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون le premier le shirk que cela interdit ça c'est dans sourate al-an'am 2 151 à 153 premier C'est le shirk, l'interdiction. Deuxième, la bienfaisance envers les parents. Troisième, l'interdiction de tous les enfants, par peur d'être affamés, de connaître la fin de la pauvreté. Quatrième, de ne pas s'approcher des fawahish. Tous sont les fawahish sont les péchés. Et cela de façon apparente ou cachée. Comme le riba, le namima, le zina, le saliqa, autres. Cinquième, de ne pas tuer la vie que Allah a rendue interdite. Donc, ce n'est pas dans l'absolu. Il y a des cas où tuer est permis, et même obligatoire. Mais la base, c'est que cela est interdit. Si cela a lieu avec des conditions. Sadis, de ne pas manger l'argent du yatim. Le yatim, c'est quoi ? C'est l'orphelin, celui dont le père est mort avant qu'il n'atteigne la puberté. Sabia, wa thamin, c'est d'être équitable dans la pesée et la mesure. C'est-à-dire dans les mu'amalat avec les gens d'être honnête, d'être fidèle. Ta'asir, el-wafa bi'ahdillah, le fait d'être loyal envers l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'ashir, el-adl, d'être équitable. Et dit à la fin, par rapport à ce verset, wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. C'est mon chemin droit, alors suivez-le. C'est-à-dire le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le fait d'accomplir ses ordres, de laisser ses interdits. Et l'ikhlas kadhalik. Donc nous devons nous y tenir, quand même nous y tenir, et l'altazim bihi l'almout, jusqu'à la mort, rester là-dessus. Voilà, tatabiru souboul, ne suivez pas les sentiers, c'est-à-dire les souboules, là, c'est les sentiers qui sont à côté du sentier droit, du vrai sentier, du vrai chemin droit, on va dire, sont les bidas, les passions, les désirs interdits, shahawat, Et dans la première partie du verset, il dit, La'alakum ta'qilun. Il se peut que vous raisonniez. Car en premier lieu, faut que tu raisonnes. Bah, qala, La'alakum tazakkaroun. Car après le aql, une fois que tu es au aql, tu te rappelles. Il se peut, ou plutôt afin que vous vous rappeliez. En premier lieu, c'est afin que vous raisonniez. C'est afin que vous vous rappeliez. Et troisième, La'alakum tattaqoun. Pour la taqwa, que vous craignez. C'est-à-dire en premier lieu, pour que tu aies ton aql. Car sans aql, tu ne peux pas te rappeler. Tu vois, tu as ton aql et tu te rappelles, là, tu peux craindre. Tu peux craindre. Sans quoi la piété, la taqwa, la ta'tiya kada. La bonne ta'tiya la shay, tubna la shay, yani yaqini, à la ilm. Puis après, il parla de la wasiya, citée par Ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, n'a pas écrit de testament de sa main pour les gens. Qu'est-ce que Ibn Mas'ud va vous dire par là? Que ces versets, adil ayat mujtamila, على الأمور العظمى التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها طيب طول معيشته sur les choses pour lesquelles le prophète صلى الله عليه وسلم a combattu et à quelle il a appelé principalement les 10 droits. Donc Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a appelé à ces choses-là. On veut dire, si tu veux savoir qu'est-ce que Mohammed صلى الله عليه وسلم attend de toi après sa mort, ces 10 points-là. Mais en vrai, il n'a pas dit apportez-moi un livre, je vais écrire cela. À un moment, il y a un hadith qui est venu, il a failli le faire, il allait écrire et les gens se sont disputés auprès de lui. Et au final, il n'a rien fait. Enfin, les gens l'ont dit. Donc, lorsque le Sahaba était auprès de lui et qu'il allait peut-être faire une wasiya, ils ont divergé là-dessus. Encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un bari, il n'y a pas lieu de litige auprès de moi. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Et au final, rien n'a été écrit. Et seul Mouad ibn Jabal, il a dit qu'il était justement assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne qui s'appelait Ufayr. Cet âne s'appelait Ufayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseignait le droit des serviteurs, plutôt le droit d'Allah sur serviteur. Quel est-il? Qu'ils adorent Allah, qu'ils ne soucient rien du tout. C'est le droit principal. Et Ya'buduhu, ça veut dire quoi? Les actes. Car tu ne peux pas adorer Allah sans acte. C'est pas possible. Il y a des actes à faire. Et des actes peuvent être intérieurs comme peuvent être extérieurs. Donc tu dois l'adorer et ne rien associer. Et celui qui fait cela, Allah ne le châtiera pas. Et le deuxième, c'est le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce droit-là, en réalité, c'est ta force d'oulan. C'est une grâce de sa part, ce n'est pas un droit. C'est de quel sens que Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le hadith, hadith Abi Dhar, l'imam Ahmed, le hadith est tawil, quand il est Ya ibadi, inni harramtu al-zulm ala nafsi, wa jaltu baynakum harrama fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et je l'ai rendu interdit entre vous, alors ne soyez pas injustes. Donc Allah s'est interdit lui-même l'injustice. Donc il t'a promis une chose par rapport à cela. Mais en réalité, tu n'as pas droit sur lui. Mais en réalité, Allah ne nous doit rien du tout. C'est nous qui le devons tout. Il faut savoir cela. Contrairement à ce que disent les Mu'tazila, que Allah il est obligé de faire ça, c'est wajib sur lui dans le sens, il doit le faire. Voilà. Allah il fait ce qu'il veut. Mais il s'interdit le zulm à la nafsi, mais la chèque. Donc là, après, il citait la mas'ala, qui est que il n'a pas voulu que Mouaz en informe les gens du fait que si les gens entendaient cela, se diraient, khalas, on ferait que le tawhid, c'est-à-dire que si on fait des péchés mais qu'on n'associe rien à Allah, la baisse, ma péché. Comme les gens que je vois beaucoup aujourd'hui le disent. Quand ils font des péchés, ils disent Allah ghafour wahib, Allah yaghfir dhunub jamia. Et il fait un tas de péchés ouvertement comme ça, sans faire tourba ni rien du tout. On dit non, lakin Allah shadid al-iqab également. Dieu en châtiment. Et tous ces péchés, à la longue, t'emmènent à des conséquences qui sont néfastes par la suite. Faut pas laisser aller sur ce côté-là. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ne leur dis pas. Mais pas mutlaqan. Parce que Mouaz, il l'a dit après, avant de mourir. Par peur de partir avec une science. Il l'a dit. Dans une version du hadith, de ce hadith, une autre version, il dit bien à la fin, quand elle est, T'as ta'athiman ou ta'athuman, qui avait peur d'avoir le péché de mourir avec une chose qu'il est impératif de savoir. Il l'a dit. Et bien évidemment, il y a des gens qui se posent là-dessus, ils ne font rien. Ils disent, moi je suis pas de shirk, c'est tout. On dit Adam et avec lui. Non. Et le fait de dire Allahu wa Rasuluhu a'lam, il y a eu un khilaf sur les ulama par rapport à ce qu'on peut dire aujourd'hui, toujours, Allahu wa Rasuluhu a'lam. À la base, la masala, il n'y a pas qu'à bien nizar. Ce n'est pas une grande masala, celui qui le dit, ma la yunkar alayhi wa kaza. Mais le sahih, comme le dit Cheikh Ibn Baz, c'est qu'on ne dit pas. Car après sa mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas ce qui s'est passé. Comme a déjà fait le hadith, c'est le haoud. Quand il va venir, quand les gens vont venir pour boire dans le haoud, ils vont se faire refouler. Il va dire Ummati, Ummati. Ma communauté, au bar de Riwat, Ashabi, Ashabi. Il lui sera dit, il n'a qu'à la tadri, ma ahdathu ba'dak. Il ne sait pas ce qu'ils ont changé après toi. Il a dit quoi? Sorkan, sorkan, liman baddal ou ghayyar. Que soient éloignés ceux qui ont changé et modifié. Donc il ne savait pas cela. Ça prouve que Allah Rasulu A'lam, les choses liées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas. Dans la religion, il savait tout ce qu'il y avait à savoir. À retransmettre. Amen. Mais Allah Rasulu A'lam, il y a des choses qu'il ne sait pas de ce qui va se passer après lui. Donc le meilleur, c'est de dire après sa mort, Allahu A'lam. Mais comme on dit, ce n'est pas une masala sur laquelle les Kabir Niza, celui qui le dit, beaucoup de savants disent qu'on peut le dire. Là, dans le livre, il ne cite pas les masala à comprendre. On va les lire vite fait. Les masala à comprendre de ce bain. مستنبطة من هذه الأحاديث والآيات. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. La sagesse dans la création de les djinns et les hommes. Dans le verset on a pris. Je crois pas que tu es dans le livre. T'as pas. Normalement dans le verset. Les masaïl تستنبط من هذه الأدلة. Normalement ils sont dans ce livre-là, on les a pas. Je les lis à côté. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد. L'adoration c'est le tawhid. Car c'est là-dedans qu'il y a eu le litige avec les koufars dans l'ibada, le tawhid al-ibada. Thalitha, anna man lam yati bihi lam yabudillah, fa fihi ma'na qawlihi wa la antum 'abiduna ma a'bud. Que celui qui ne vient pas avec cet ibada, ce tawhid, il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où vous n'êtes pas adorateur ce que j'adore. Rabi'a, al-hikmatu min irsal al-rusul, la sagesse dont on envoie des messagers. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة que le messager est parvenu à toute communauté. الثالثة أن دين الأنبياء واحد que le dîne des anbiya c'est une seule même religion qu'ils avaient, même seule même croyance. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت. Donc également que la question principale qui est que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut avoir lieu si ce n'est en mécroyant au Tarout. Famina, un Tarout, amun si kulli ma'ubida min dunillah. Que le Tarout, c'est une chose générale qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On a spécifié qui agrée cela. Atasia, aizam, shal, al-falath, ayat, al-muhkamati, surat al-an'am, inda al-salaf. Wa fiha ashr masail, awaluha al-nahi al-shirk. Et qui dit après, tasian, deuxième masala qu'on prend, c'est le côté immense de ces trois versets de Surat al-An'am, qui contient les 10 droits qu'on a cités. Et le premier de ces droits, c'est l'interdiction du shirk. Al-Ashira, al-Ayat al-Muhkamatu fi Surat al-Isra, wa fiha al-Thamani'ashar mas'ala badaha Allah bi qawlihi la taj'al ma'a Allah ilahin akhara fa takuda madhmuman mahzula. Il dit également qu'il y a les versets murkamah, c'est-à-dire qui sont établis dans Surat al-Isra, qui est le voyage nocturne, qui comprend 18 mas'ala, dans laquelle il y a, dans le verset, dans le bab, où il dit « Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu » que ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. « Hadi asha ayat surat al-Nisa lati tusama bi » آيات الحقوق العشر. بدأ الله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et qui est de Sourate An-Nisa, qui est le verset qui contient les 10 droits. Il y a dit la différence entre ceux de l'An'am et ceux de Nisa. L'An'am, ça concerne les 10 droits de façon générale. Et Sourate An-Nisa, c'est les 10 droits de 10 personnes, 10 catégories de personnes en particulier. Même ici 10 personnes en particulier, comme les parents, comme les voisins, comme les proches, pour les Alikins. Même, c'est ça la différence. Il y en a, c'est des droits de façon générale en religion. Dans Sourate An-Nisa, c'est les droits qu'on doit rendre à des personnes en particulier. Qui sont-ils? Ils sont cités après. Même, ils sont cités après dans les versets. Mais d'après le shahid, c'est quoi? وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. La mise en évidence du testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Salisa Asha, Ma'alifat Hakullah alayna. Treizième, qui est le fait de connaître le droit d'Allah sur nous. Warabi Asha, quatrième, quatorzième, Ma'alifat Hak al-Ibad alayhi iza addaw Hakkahu. Qui est quatorzième, le fait de connaître le droit des serviteurs sur lui, si jamais ils remplissent son droit à lui d'abord. Khamsta Asha, Anna hadi al-Mas'ala, la ya'rifuha akthar al-Sahaba. Quinzième, que cette mas'ala, la plupart des sahabas ne la connaissent pas. وَسَدِسَ عَشَا جَوَازْ كِتْمَانْ الْعِلْمْ لِلْمَصْلَحَ. Seizième, qui est le fait, la permission de cacher la science s'il y a un intérêt, une maslaha. Comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mouaz de ne pas le dire. Et également, on peut dire de cette mas'ala que tu peux donner la science à certains et pas à d'autres. Tu peux choisir. Lui, je peux lui dire celle-là, c'est telle chose, et l'autre, je ne le dirai pas. Tu peux le faire. السابع عشر استحباب بشارة المسلم ما يسره. Qui est mustahab d'annoncer aux musulmans ce qui lui fait plaisir d'entendre. الثامن عشر الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. Qui est 18e point, la peur de se reposer sur la grande rahma d'Allah, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Ni pour eux, Allah est miséricordieux et c'est tout. Le reste, on dirait que ça n'existe pas. التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. Qui est 19e point. Celui qui est interrogé lorsqu'il ne connaît pas une chose, il dit Allah ورسوله أعلم. Si on a dit que la masala est un khilaf. Et on va parler par le salaf, قول الله أعلم عدا نصف العلم. C'est la moitié de la science, le fait de dire Allah أعلم, il n'y a aucune honte à le dire, au contraire. Alors celui qui répond qu'il ne sait pas, lui, il peut venir avec des choses qui sont blâmes. العشرون جواز ترخيص بعض الناس بالعلم دون بعض. Là, il vient là, comme on l'avait dit, le fait de pouvoir spécifier certaines personnes dans la science en dehors d'autres. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع إرداف عليه. La modestie du prophète صلى الله عليه وسلم, du fait qu'il prend quelqu'un avec lui à l'arrière, c'est son âme. الثانية والعشرون, la deuxième, جواز الإرداف على الدابة, qui est la permission de monter sur une monture à deux. Parce que les gens pourraient se dire c'est cruel envers l'animal. On dit non, c'est permis car Mouaz l'a fait. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة, l'immensité de cette masala. والرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن الجبل, qui est la 24e masala, qui est le mérite de Mouaz bin Jabal. Donc de là, on a pris le premier bab qui était le fait de savoir le droit d'Allah sur le serviteur, qui est التوحيد العبادة. Ah ouais, il commence par cela et après revenir au fur et à mesure de ce bab-là, expliquer les autres qui seront liés à ceci. Abdelkod Naktafi ou Nakul, Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.